السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Continue donc le résumé explicatif du livre de l'unicité de Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى. Et on est arrivé à Babu Maja fi Tanjim, chapitre au sujet de ce qui a été rapporté sur le Tanjim, qu'on pourrait traduire notamment par astrologie. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Donc البخاري رحمه الله il a dit dans son authentique. Qatada a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a créé ces étoiles pour trois, c'est-à-dire trois raisons. Un embellissement du ciel, une lapidation des démons et des signes par lesquels on s'oriente. Quiconque cherche à les expliquer par autre que cela se sera alors trompé et il aura perdu sa part, comme on le voit dans l'explication, c'est-à-dire son part de son temps de vie, c'est-à-dire qu'il a gaspillé son temps, il a perdu son temps. Et il se sera investi d'une affaire au sujet de laquelle il n'a aucune science. Et c'est rapporté Mu'allaqan al-Bukhari, livre du commencement de la création, chapitre sur les étoiles. Cheikh Al-Fawzan explique cela en disant, حفظه الله تعالى, مناسبة الباب لكتاب التوحيد لما كان بعض التنجيم باطلا لما فيه من دعوى مشاركة الله في علم الغيب وتعلق القلب بغير الله ونسبة التصرف إلى النجوم وذلك ينافي التوحيد ناسب أن يعقد له باب هنا يبين فيه الممنوع والجائز منه ليكون المسلم على بصيرة من ذلك. Le rapport entre le chapitre au sujet de ce qui a été rapporté sur le Tanjim et le livre de l'unicité dont ce chapitre est une partie. Et comme on l'a dit, que le livre de cité s'articule sur des chapitres, et chaque chapitre, il a sa place, il a sa raison, pour laquelle il est dans ce livre de cité, ce Kitab al-Tawhid. Et donc, Cheikh Al-Fawzan explique cela par rapport à ce chapitre ici précisément. Il dit, comme il y a une partie du Tanjim, de l'astrologie, qui est fausse, en raison de ce qu'elle contient comme prétention d'association à Allah dans la science de l'invisible, et comme attachement du cœur à autre qu'Allah, et comme attribution de gestion aux étoiles, et comme tout cela va à l'encontre de l'unicité, il est alors judicieux qu'un chapitre lui soit consacré, dans lequel est expliqué ce qui en est interdit et ce qui en est permis, et ce afin que le musulman soit clairvoyant quant à ce sujet. « Ma ja'a fi at-tanjim » maintenant Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, il explique les termes. « Ma ja'a fi at-tanjim » ay dukira ou dikru ma yajuzu minhu wa ma la yajuzu minhu وذمه وتحريمه وما ورد من الوعيد فيه والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية وهو ما يسمى بعلم التأثير. ما جاء في التنجيم, ce qui est rapporté au sujet du tanjim, c'est-à-dire la mention faite de ce qui en est permis et de ce qui en est interdit et son blâme et son caractère illicite, ainsi que la menace qui a été rapportée à ce sujet. Maintenant, la définition du tanjim. C'est quoi le tanjim? En arabe, c'est al-istidlalu bil ahwal al-falakiyyati 'ala al-hawadith al-ardiyya. C'est utiliser les situations célestes comme preuve des événements terrestres. Et c'est ce qui est appelé ilm al-ta'thir, la science de l'influence. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أي تعليقا. البخاري رحمه الله il a dit dans son صحيح, ça c'est الشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله qui a dit ça. قال البخاري في صحيحه, mais ici c'est معلق. Alors qu'est-ce que ça veut dire le معلق? Ça faut revenir dans les livres de Moustalah, on ne va pas commencer à rentrer dans les détails, mais c'est pour juste être précis, dire que c'est رواه معلقا, ou plutôt ici تعليقا. خلق الله النجوم لثلاث، هذا مأخوذ من القرآن الكريم. خلق الله النجوم لثلاث، الله a créé les étoiles pour trois raisons. Ceci est pris du noble Coran. Et on va le voir dans un instant, maintenant, tout de suite, inshallah. Zinat al-Lissama, ça c'était la première raison, c'est un emblissement pour les étoiles. Eh bien, Zinat al-Lissama, isharatan ila qawlihi ta'ala, wa laqad zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabih. Zinat al-Lissama, un emblissement pour le ciel, c'est une indication quant à la parole d'Allah le Très-Haut, dont la traduction du sens est, nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes, des étoiles. Surat al-Mulk, verset 5. Deuxième raison, wa rujum al-shayatin, et une lapidation pour les démons. Isharatan ila qawlihi ta'ala, wa ja'alnaha rujum al-shayatin. Et ici, wa rujum al-shayatin, et une lapidation à l'encontre des démons. C'est une indication contre la parole d'Allah le Très-Haut, dont la traduction du sens est, dont nous avons fait des projectiles pour lapider les diables. Et ça, c'est la suite du verset 5 de Sourate Al-Mulk. Wa alamat, ça c'est la troisième raison. Ay dalalatin ala al-jihati wal-buldani wa nahwi dhalik. Wa alamat et des signes, c'est-à-dire que ces étoiles sont aussi des signes, c'est-à-dire des indications pour les directions et les régions, etc. Yuhtada biha. أي يهتدي بها الناس إشارة إلى قوله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر من سورة الأنعام. Avec ça, on a les trois raisons. يهتدى بها, par lesquelles on s'oriente. Les signes par lesquels on s'oriente, c'est-à-dire les étoiles. C'est-à-dire, les gens s'orientent au moyen des étoiles et c'est une indication. Quant à la parole d'Allah, le Très-Haut, dans la traduction du sens est, et c'est lui qui vous a assigné les étoiles pour que par elles vous guidiez dans les ténèbres de la terre et de la mer. Sourate Al-An'am, verset 97. فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ أي مَنْ زَعْمَ فِيهَا غَيْرَ مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ فَادَّعَ بِهَا عِلْمَ الْغَيْبِ. فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ, quiconque les explique autrement que par cela, c'est-à-dire quiconque prétend autre chose que ce que Allah le Très-Haut a dit au sujet de ces trois raisons, aura alors prétendu à leur sujet la science de l'invisible. Faqad akhta'a. Faman faqad. Faman faqad. Donc faqad akhta'a haythu takallama rajman bil ghaib. Faqad akhta'a, il se sera alors certes trompé, car il aura conjecturé. Wa adaa'a nasibahu. أي حظه من عمره لأنه اشتغل بما لا فائدة فيه بل فيه مضرة وأضاع نصيبه. Il aura perdu sa part, c'est-à-dire sa part de son temps de vie. C'est pour ça qu'on l'a traduit comme ça dans la parole de Qatada. Car il sera occupé de quelque chose qui n'a aucun intérêt, mais de plus qui est nuisible. المعنى الإجمالي للأثر. Le sens général du أثر. أن قتادة رحمه الله يذكر الحكمة التي خلق الله من أجلها النجوم كما ذكره الله في كتابه ردا على الذين ظهروا في عصره ويعتقدون في نجوم غير ما ذكره خالقها في كتابه وهؤلاء قالوا بلا علم وأفنوا أعمارهم سأفنوا وأفنوا أعمارهم فيما يضرهم وكلفوا أنفسهم ما ليس في مقدورها الحصول عليه. Quel est le sens général de ce athar de Qatada rapporté par Al-Bukhari rahmahullah ta'ala mu'allaqan dans son authentique? Eh bien, c'est que Qatada, qu'Allah lui fasse miséricorde, il fait mention de la sagesse pour laquelle Allah a créé les étoiles. Comme Allah l'a dit dans son livre, en guise de réfutation à l'encontre de ceux qui sont apparus à son époque et qui croient au sujet des étoiles autre chose que ce que le créateur de ces étoiles dit dans son livre, subhanahu wa ta'ala. Et ceux-là ont parlé sans science et ont passé leur temps de vie dans ce qui leur est nuisible. Et ils se sont investis d'une tâche dont qu'ils sont incapables d'effectuer. Et il en est de même pour toute personne qui cherche la vérité dans autre que le Coran et la Sunna. Munasabatu الأثر للباب le rapport ou le caractère opportun de ce athar par rapport au chapitre, chapitre sur ce qui a été rapporté sur le tanjim, أن فيه بيان الحكمة في خلق النجوم كما ذكرها الله في كتابه ورد والرد على من زعم في النجوم حكمة تخالف ما ذكره الله فيها. Quel est le rapport entre ce athar et ce chapitre, ce athar qui fait partie de ce chapitre, qui lui-même fait partie du livre de l'unicité? Eh bien, c'est qu'il y a dans ce athar une mise en évidence de la sagesse dans la création des étoiles, comme l'a dit Allah Azza wa Jalla dans son livre, ainsi que la réfutation à l'encontre de ceux qui prétendent au sujet des étoiles une sagesse qui contredit ou qui va à l'opposé de ce que Allah Azza wa Jalla a dit à ce sujet-là. Ma yustafadu min al-athar, les enseignements tirés du athar. أولا بيان الحكمة في خلق النجوم كما دل عليها القرآن. La mise en évidence de la sagesse dans la création des étoiles comme cela a été indiqué dans le Coran. Deuxième, الرد على من زعم أن النجوم خلقت لحكمة غير ما ذكره الله فيها. ما ذكر الله فيها. La réfutation à l'encontre de ceux qui prétendent que les étoiles ont été créées pour une sagesse autre que celle qu'Allah a citée à leur sujet. ثالثا troisièmement انه يجب الرجوع الى الكتاب الى كتاب الله لبيان الحق من الباطل. Il est obligatoire de revenir au livre d'Allah afin de différencier le vrai du faux. رابعا ان من طلب الهدى من غير الكتاب والسنه فقد الصواب وضيع وقته وتكلف ما لا قدره له في الوصول اليه. Quiconque cherche la guider dans autre que le Coran et la Sunna aura perdu ce qui est juste et aura perdu son temps et se sera investi d'une tâche qu'il est incapable d'effectuer. C'est-à-dire qu'il va s'investir d'une chose dans laquelle il n'est pas possible d'arriver à la guider qu'il cherche, puisque ce n'est pas dans le Coran, la Sunna. On continue dans le chapitre. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة. C'est يرخص, pas يرخص. ذكر حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. L'auteur Caliphas Miséricorde, il dit, et Qatada a détesté l'apprentissage des phases de la lune, منازل القمر. Et Ibn عيينة ne l'a pas toléré. C'est Harb qui l'a rapporté de deux, c'est-à-dire de Qatada et de Uyayna, et Ahmed et Ishaq ont toléré d'apprendre les positions de la lune. Cheikh Al-Fawzan explique cela en disant At-Tarajum, les biographies, parce qu'il a cité plusieurs noms ici, Cheikh l'Islam, Mohamed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Il a cité Qatada, il a cité Ibn Uyayna, il a cité Harb, Ahmed et Ishaq. Qatada, on l'a déjà cité précédemment, et donc il dit Ibn Uyayna, ay Soufyan ibn Uyayna, c'est-à-dire Soufyan ibn Uyayna. Harb, ay Harb al-Karmani, من جلة أصحاب أحمد. كرب الكرماني il fait partie des compagnons de l'imam Ahmed رحمه الله. أحمد أي الإمام أحمد بن حنبل, c'est-à-dire l'imam Ahmed بن حنبل. وإسحاق أي إسحاق بن راهويه, إسحاق بن راهويه. منازل القمر التي ينزل القمر في كل ليلة منزلة منها وهي 28 منزلة ومعرفة ذلك تسمى بعلم التسيير. منازل القمر, les phases de la lune, les phases parmi lesquelles la lune occupe une phase chaque nuit, et ce sont 28 phases, et la connaissance